Jean chapitre 9. Et comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses disciples l'interrogèrent, disant, « Maître, qui a péché, celui-ci, ou son père, ou sa mère, pour être ainsi né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni celui-ci n'a péché, ni son père, ni sa mère, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour, la nuit vient, en laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis au monde, je suis la lumière du monde. » Ayant dit ces paroles, il cracha en terre, et fit de la boue avec sa salive, et mit de cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, « Va, et te lave au réservoir de Siloé, qui veut dire envoyé. » Il y alla donc, et se lava, et il revint voyant. Or les voisins, et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était aveugle, disaient, « N'est-ce pas celui qui était assis, et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Et les autres disaient, « Il lui ressemble. » Mais lui, il disait, « C'est moi-même. » Ils lui dirent donc, « Comment ont été ouverts tes yeux ?» Il répondit, et dit, « Cet homme qu'on appelle Jésus, a fait de la boue, et il l'a mise sur mes yeux, et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé, et te lave. » Après donc que j'y suis allé, et que je me suis lavé, j'ai recouvré la vue. Alors ils lui dirent, « Où est cet homme-là ? » Il dit, « Je ne sais. » Ils amenèrent aux pharisiens celui qui auparavant avait été aveugle. Or c'était en un jour de sabbat, que Jésus avait fait de la boue, et qu'il avait ouvert les yeux de l'aveugle. C'est pourquoi les pharisiens l'interrogèrent encore, comment il avait reçu la vue, et il leur dit, « Il a mis de la boue sur mes yeux, et je me suis lavé, et je vois. » Sur quoi quelques-uns d'entre les pharisiens dirent, « Cet homme n'est point un envoyé de Dieu, car il ne garde point le sabbat. » Mais d'autres disaient, « Comment un méchant homme pourrait-il faire de tels prodiges ?» Et il y avait de la division entre eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Mais les Juifs ne crurent point que cet homme eût été aveugle, et qu'il lui recouvrait la vue, jusqu'à ce qu'ils eurent appelé le père et la mère de celui qui avait recouvré la vue. Et ils les interrogèrent, disant, « Et si votre fils, que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ?» Son père et sa mère leur répondirent, et dirent, « Nous savons que c'est ici notre fils, et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qu'il lui a ouvert les yeux, nous ne le savons point, il a de l'âge, interrogez-le, il parlera de ce qui le regarde. » Son père et sa mère dirent ces choses, parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà arrêté, que si quelqu'un l'avouait être le Christ, il serait chassé de la synagogue. Pour cette raison son père et sa mère dirent, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Ils appelèrent donc, pour la seconde fois, l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un méchant. » Il répondit, et dit, « Je ne sais point s'il est méchant, mais je sais bien une chose, c'est que j'étais aveugle, et maintenant je vois. » Ils lui dirent donc encore, « Que t'a-t-il fait ? Comment a-t-il ouvert tes yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous ne l'avez point écouté. Pourquoi le voulez-vous encore ouïr ? Voulez-vous aussi être ses disciples ?» Alors ils l'injurièrent, et lui dirent, « Toi sois son disciple, pour nous, nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais pour celui-ci, nous ne savons d'où il est. » L'homme répondit, et leur dit, « Certes, c'est une chose étrange que vous ne sachiez point d'où il est, et toutefois il a ouvert mes yeux. Or nous savons que Dieu n'exauce point les méchants, mais si quelqu'un est le serviteur de Dieu, et fait sa volonté, Dieu l'exauce. On n'a jamais vu dire que personne ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si celui-ci n'était point un envoyé de Dieu, il ne pourrait rien faire de semblable. » Ils répondirent, et lui dirent, « Tu es entièrement né dans le péché, et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait chassé dehors, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Cet homme lui répondit, et dit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu l'as vu, et c'est celui qui te parle. » Alors il dit, « J'y crois, Seigneur, et il l'adora. » Et Jésus dit, « Je suis venu en ce monde pour exercer le jugement, afin que ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient, deviennent aveugles. Ce que quelques-uns d'entre les pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu, ils lui dirent, « Et nous, sommes-nous aussi aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez point de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons. Et c'est à cause de cela que votre péché demeure.